About to get into this one right quick, you know. Very big A, Jimmy Levino. Exclusive Maverick shits, yo. Sing it with me. What the world needs now is love, sweet love. You pump the beat loud. What the world needs now, you know, is love, sweet love for sure. What the world needs now is love, sweet love. So pump the beat loud. What the world needs now, you know, is love, sweet love. Dis-moi que c'est beaucoup plus que ça. C'est pas juste un crowd qui bounce, non. C'est pas juste un DJ live qui blast le sound, yo. Dis-moi que c'est plus que juste ma voix que t'entends. Moi j'sais plus, j'fais même plus semblant. J'suis perdu dans le temps, yo. Tout est plus chill dans le temps. Y'en avait pas de beef dans le temps. Maintenant c'est le chiching, le bling, y'a juste le cash ou l'argent. Y'a de moins en moins de jokes, moins en moins de rire dans le chilling. Y'a de plus en plus de clauses, pour ça que c'est dur de lire en telling. Y'a de moins en moins de cats, c'est juste des rats dans la course. On veut s'assurer d'une place, faut scratch le problème à la source. Comment tu veux que les arbres poussent, on a pas de seeds à planter. Comment tu veux que le crowd bouge devant des MCs qui ont rien à te chanter. Yo, c'est insensé, vous parlez de représenter, mais quand c'est tant faire acte de présence, vous vous mentez, vous nous vendez. Le fait que tout ce que vous faites, c'est pour le club. Quand tout le monde sait qu'une coupe d'années, vous nous disiez que c'était pour le love. You sing it with me. What the world needs now is love, sweet love. So pump the beat loud. What the world needs now, you know, is love, sweet love for sure. What the world needs now, is love, sweet love. So pump the beat loud. What the world needs now, you know, is love, sweet love. Paraît que c'est dur de sacrifier sa propre qualité de vie pour s'assurer que tous les peeps de même famille puissent eat. Des rêves de jeans dans les poches de mes jeans, j'en ai tant. C'est ça le style, je veux que mes tracks bombent dans des jeans cet été. En attendant, j'ai trop de work, j'avoue c'est dur de maintenir. Y'a ma femme qui me traite de jerk, les boys qui disent j'suis plus le même. Paraît qu'il y a juste un pas à franchir entre le shame et l'orgueil. Business puis friendship c'est the same, sauf quand on pense à notre portefeuille. On vit dans un monde qui est rempli de snakes puis de photos, rempli de fake puis de faux, d'autres qui veulent toujours être en photo. Ça chope pour du props, ça c'est des bros. On les voit juste chill dans ce spot quand c'est pour rip un vidéo. Vio, c'était censé vous me parlez de représenter. Mais quand c'est tant de faire acte de présence, vous vous mentez, vous nous vendez. Fait que vous êtes occupé à faire du cob. Quand tout le monde sait que d'une couple d'années, tout ce que vous vouliez, c'est notre love. Yo, straight love shit, man. Big throws and stuff. Life's rough, check. Yo, Maverick, man. C'était mon hard joint pour toi. Sweet love. That's it. Love.